Chapitre 6e. Le vrai courage est une confiance éclairée que rien ne trouble. Condillac. Le lendemain matin, il faisait froid. Une humidité glaciale semblait avoir envahi la caverne où régnait la veille une chaleur confortable et amène. Dehors, j'entendais la pluie fine et serrée tomber avec lenteur. Le froid me libéra soudainement du sommeil qui m'avait capturé au cours de la nuit après la révélation de Tully. Mais ce n'était pas le froid humide de l'extérieur, non, plutôt un froid intérieur, comme si un manteau protecteur avait été enlevé, ou plutôt une étreinte douce, chaleureuse, qui m'avait permis de sombrer dans le sommeil réparateur dont j'avais besoin. J'étais allongé à même le sol, là où j'avais veillé. À quelques mètres de moi, se trouvaient les deux dignitaires que j'avais rencontrés la veille, assis à même le sol, à la façon elfique. Ils se levèrent dès que je commençais à bouger, et vinrent me saluer d'une façon solennelle, mais pleine de cette grâce altière que j'ai désormais appris à percevoir et apprécier depuis que je connais mieux le peuple des Drachnites. Ils me proposèrent de les suivre et nous retournâmes dans la salle à la voûte céleste et au mur de cristal de roche. Là attendaient mes deux amis et Svarin, dont le regard perçant passa sur moi avec ce qui me sembla être de la bienveillance et un air de surprise devant mon sourire et ma joie de revoir mes amis. Ils étaient en train de déjeuner. Festoyer devrait être un mot plus adapté, en tout cas pour ce qui concernait Ylfgur. Cela fortifiait en moi cette gaieté de me retrouver en bonne compagnie et somme toute en excellente forme, malgré la nuit pénible et le réveil soudain dans le froid du matin pluvieux. Je décidai pour le moment de laisser ma part humaine de côté et de m'attabler avec mes amis. Je fus étonné de voir les deux sages et Svarin partager notre festin, en bavardant de tout et de rien, c'est-à-dire des choses de première importance lorsqu'on se retrouve en compagnie. Le versant sur lequel avaient été récoltés les fruits et les racines délicieuses que nous dégustions, et des 16 façons de faire mariner les baies d'aubépine ou d'églantine avant de les mélanger aux faines de hêtre, afin que le goût fort des uns ne cache pas le goût subtil des fragiles rosacées. Au bout d'un moment, nous en arrivâmes à parler de nos recherches. Cela vint subtilement de cette façon mystérieuse qu'ont les elfes de parler d'un sujet en discutant de toute autre chose. Si je me souviens bien, nous parlions d'aubépine, de récolte. Puis fut abordée la question du meilleur temps pour une meilleure récolte d'automne. Ensuite, du temps qu'il faisait ces derniers jours et enfin, des chemins impraticables qui, de toute façon, nous forceraient à rester à l'abri en attendant que les pentes abruptes soient praticables pour nous. Car pour mes compagnons, tous les chemins sont toujours et en tout lieu praticables. Svarin avait exposé au noble sage l'objet de nos recherches, ou peut-être le savait-il déjà puisqu'ils étaient là, à sa demande, afin de nous accueillir. Ils proposèrent de nous accompagner dès la fin de notre déjeuner à la réserve où pouvaient se trouver les documents que nous cherchions. Eux-mêmes n'avaient aucune information là-dessus. Je compris que Svarin ne savait pas si de tels documents pouvaient exister. Il connaissait bien la fameuse salle des archives, m'expliqua-t-il, alors que nous circulions à travers le dédale de couloirs qui descendait au plus profond de la montagne. Mais il voulait voir de ses propres yeux si de semblables annales étaient susceptibles de se trouver sur l'île et sous la garde du peuple drachnite, car bien évidemment, ce fait précisément engendrerait de nombreuses questions. Je compris que malgré tout, il doutait de cette possibilité. Cependant, depuis que l'Elgara était arrivée en Elfinie, certaines certitudes, même du côté des peuples elfiques, avaient été sérieusement ébranlées. Par-dessus tout, la conscience de la nécessité du changement, pour les elfes comme pour les humains, était une perspective cruciale, fondamentale pour tous les peuples. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais je comprends mieux à présent que le grand Drachnite Kesvarin et considérer cette opportunité de première importance. J'avais à cette époque une conscience très superficielle et humaine de tous les liens si ténués, pourtant tellement puissants et inébranlables, qui existent entre les peuples elfiques et les autres dimensions, que je considérais comme magiques, jusqu'à ce qu'elles se révèlent plus délicatement et profondément à moi. Dans la réserve, m'avait indiqué Svarin, se trouvaient des documents qui n'avaient pas en soi une valeur telle qu'elle nécessita la protection et la sécurité de la bibliothèque royale. Ou alors, murmura le sage Ylfgur, il s'agissait de les protéger encore plus. Et il ajouta légèrement mordant, les drachnites savent mieux que quiconque que l'oubli est la meilleure des protections pour les secrets. Il fallut plus de 20 minutes humaines pour arriver devant la fameuse salle. Elle était scellée par une lourde porte aux vantaux de bois massif, cloutée et parsemée de serrures à enchantement. Pour l'ouvrir, un des sages introduisit dans une espèce de sablier encastré dans un ferment au milieu du pêne central un liquide doré, pendant que l'autre mage psalmodiait les incantations. Je ne pus m'empêcher de faire un pas en arrière, en retenant mon souffle, lorsqu'on entendit très nettement un bruissement long et grave, comme un bourdonnement léger, suivi d'une série de cliquetis tantôt rapides, tantôt lents. Cela dura plusieurs secondes, qui me semblèrent s'effilocher très lentement, puis, insensiblement, la porte s'ouvrit en s'enfonçant dans les murs sombres et épais. Derrière la massive porte se trouvaient encore 3 grilles. Par des processus identiques, les 2 sages ouvrirent les 2 premières. Devant la 3e grille, un des 2 tendit en direction de la grille une pierre qu'il portait en pendentif et le portail se mit à vibrer doucement, mais sans s'ouvrir. On essaya plusieurs pierres et plusieurs incantations en vain. Au bout d'un moment, je perçus l'étrange force, celle qui désormais de plus en plus souvent m'aidait et me soutenait, monter en moi. Avec une audace frôlant l'effronterie, je m'approchai de la grille et posant ma main sur une des serrures qu'avait révélée la vibration de la pierre, je murmurai en haut elfique le salut que j'avais reçu lors de la cérémonie qu'avait fait de moi l'Elgara. « Je suis l'Elgara. Que ce qui doit être bon pour Elfini et Humania soit accompli, pour la lumière et non pour les ténèbres. » Tout d'un coup, je sentis une douleur fulgurante à l'épaule et je tombai à terre. Mais avec cette inconséquence illogique qui ne vient qu'au sceau, je murmurai avant de sombrer dans l'inconscience « Elle va s'ouvrir ». Je repris connaissance rapidement au dire de mes compagnons. J'étais encore devant la grille, mais celle-ci était grande ouverte. Un des sages passait devant mon visage une fiole à l'odeur légèrement sulfureuse et je dois dire assez nauséabonde. Je ne sais pas si c'est cela qui contribua à me remettre rapidement sur pied, ou ma curiosité qui reprit le dessus sur mon malaise. D'un geste maladroit, je me remis debout, et je parlais déjà de franchir la grille, alors que mes compagnons m'engageaient à attendre. J'étais impatiente de connaître la révélation qui nous attendait, et insistais avec un rien de cette nonchalance qui surprend toujours mes amis de cette nouvelle dimension, moins habitués que moi à la lourdeur de mon corps humain. Je conclus finalement. « Bon, j'ai l'habitude maintenant. C'est la grille de Thuli. Il a ouvert, non ?» Un des sages se permit un sourire bienveillant et me dit « Noble Elgara, c'est votre main qui a ouvert, non Thuli. » Je m'arrêtai brusquement et revenant sur mes pas, je lui dis silencieusement, à la façon elfique, « Passez devant moi, ô sage, et vous aussi, noble compagnie. » Et je continuai à haute voix, malicieusement ironique, car si vous croyez que je me laisse aveugler par mes inexistants pouvoirs, alors toutes mes quêtes auront été vaines. Je préfère rester derrière vous. » Sbarine eut un de ses rares sourires, et nous précédant tous d'un pas alerte, conclu, caustique. L'Elgara s'ouvre à l'inconcevable compréhension du peuple des Drachnites. Derrière nous, fermant la marche, Ilfgur opta dans sa barbe. D'ailleurs, le dialogue s'amorce. Personne ne releva la plaisanterie, mais je vis Dinmour rire sous cap et Svarine hausser un sourcil d'un air parcimonieux, comme le disent si bien mes amis elfes. Peu après, les 2 sages nous laissèrent là, car, nous expliquèrent-ils, les portes ouvertes se fermeraient dès que notre tâche serait terminée. Finalement, nous entrâmes dans la salle. Il y en avait 2 en réalité. La première, de basalte sombre, était d'une 30aine de pieds de long et de 15 pieds de large environ, de plafond assez bas et légèrement voûté. Des étagères en forme de niche étroite, en pierre dure, soutenaient des livres, carnets, rouleaux et documents fort anciens pour certains. Après un rapide regard sur les étagères, Sarine déclara « Cela ne peut être là ». Le ton était affirmatif, sa voix frémissante, il était visiblement aussi agité que moi. L'autre pièce était immense, tellement gigantesque qu'on n'en voyait pas la voûte au-dessus de nos têtes. Elle était de ce grès clair dont étaient faites les voûtes de la salle Drachnite de la grande bibliothèque royale que j'avais découverte quelques jours auparavant. Svarine se dirigea directement vers le centre de la pièce et, s'asseyant en tailleur, ferma les yeux et se mit à ressentir de loin les formes ovoïdes dont tout un pan de mur était couvert et qui, comme dans la bibliothèque royale, contenaient des documents. Finalement, il se leva et le regard singulièrement tendu me fit signe de le suivre devant un rang de coques plus sombres. « Les plus anciennes, me dit-il. Là, derrière les contenants bien alignés, se tenait un coffre, une petite malle plutôt, de forme rectangulaire, en bois de chêne, consolidé de larges ferrures de fer grossièrement sculptées. L'ensemble contrastait tellement avec l'environnement que l'on se demandait comment elle était arrivée là. Nos compagnons étaient à l'autre bout de la salle, je les percevais nettement, je fus tellement troublé qu'un instant, assez déstabilisant, je dois le dire, j'imaginais avoir quitté la dimension elfique. Svarine entendit immédiatement ma pensée. Il posa sa main sur mon épaule, rien soucieux de mon léger ébranlement, pour m'aider à reprendre le taux vibratoire de cette dimension, car les elfes ont appris depuis des éons combien un simple changement vibratoire peut amener des variations désastreuses, au minimum douloureuses. Tous les peuples des contrées elfiques connaissent ce danger pour les êtres qui n'ont pas atteint un degré d'initiation assez élevé pour s'adapter aux changements vibratoires intempestifs. Il fut cependant tout de suite rassuré par la légèreté rayonnante qu'il sentait en moi et ses yeux s'illuminèrent. Que faisait ici un coffre de cette facture? Attiré par notre propre curiosité, Ylfgur et Dinmour se joignirent à nous. Nous ne savions que faire, ouvrir le coffre, le déplacer, le prendre. Qui devrait le toucher en premier? Représentait-il d'ailleurs un danger? Après une conversation silencieuse dont je ne compris que quelques ordres, Dinmour et Ylfgur se placèrent à quelques mètres des murs. Le premier sortit sa longue dague et déplaça son arc en position de garde. Le nain se mit derrière moi avec pour consigne d'assurer ma position. Je ne comprenais pas trop de quelle position il s'agissait, mais je savais que nous entrions au cœur d'une quête qui pouvait se révéler pleine de péripéties plus étranges et dangereuses les unes que les autres. Finalement, Svarine me proposa de déplacer le coffre et de le mettre sur un petit parapet qui se trouvait au-dessus d'une anfractuosité de la roche, là où le mur était dépourvu de documents et de niches. Il voulut le prendre dans ses mains nues, mais au dernier moment se ravisa et avec d'infinies précautions l'enveloppa dans sa cape. Le coffre était si lourd qu'il lui fut impossible de le déplacer malgré sa force colossale. Je proposai soudain de le prendre puisque Tully avait ouvert la porte lorsque je lui en avais fait la demande. Il hésita un instant, puis hocha la tête. Alors que je m'approchais à quelques centimètres, je sentis le sifflement lourd et sonore déjà entendu au cataracte de Skumlive. Je fis appel à Tully, et le sifflement peu à peu s'arrêta. Tout à coup, la voûte trembla. Un fracas retentissant sembla envahir la montagne même. Une à une, des clartés commencèrent à étinceler, puis à briller sous la voûte. Un ciel étoilé apparut, puis une sorte de constellation. Il me sembla qu'un œil immense fixait son regard sur nous, au fond de nous. Finalement, le vacarme cessa. L'œil immense disparut, ou plutôt se fondit dans la masse de la voûte. Un silence colossal s'établit, inquiétant, menaçant. Puis Tully s'exprima. Que l'humaine prenne le coffre. Il est à elle de toute éternité. Un calme paisible et serein envahit chacun de nous. Le coffre semblait étinceler sur la cape écarlate soutachée d'or et de fin grenat. Sur le dessus, entre deux peintures grossières en fer forgé, on pouvait lire quelques mots martelés en lettres d'argent. « Perloc et Capitara arriba fins Aichi »«